Studek Web. Studek Web, il est 14h, bienvenue dans le coup de boost. On est ensemble jusqu'à 15h. Aujourd'hui dans Coup de Boost, nous allons parler du nouveau carburateur à induction électromagnétique. Ça va être super. Ah ouais, mais non, c'est pas ça la émission. Oupsie. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Bonjour à tous, super content de vous retrouver. Alors vous le savez, le coup de boost, c'est votre rendez-vous, c'est votre deuxième réveil de la journée. On va kiffer ensemble durant une heure et je vous rappelle que c'est votre émission. Alors venez nous raconter toutes vos anecdotes sur le hashtag CDB ou en MP sur Facebook, Insta. Et on vous appellera peut-être avant 15h. Aujourd'hui, avant de commencer l'émission, je voulais rendre un petit hommage à Johnny Hallyday qui est malheureusement décédé il y a un an. Voilà, on y reviendra tout à l'heure avec l'équipe. Et tiens, en parlant d'équipe, j'ai avec moi Mathias et Nathan. Salut les gars. Salut Axel, salut tout le monde. Mathias, j'ai vu que t'étais au concert de Damso hier soir, ça avait l'air juste énorme. Clairement mec, c'était ouf. C'est la première fois que j'allais dans une grande salle comme ça. Habituellement, tu sais, je faisais des petites salles en mode Olympia, la Maroquinerie, la Bellevilloise, tout ça. Et là, j'ai atterri à l'Accor Hotel Arena. 18 000 places. Ça change. Bon, ouais, ça change, autant dire que c'est une grosse ambiance différente. Concert de fou, c'était incroyable. J'imagine. Et toi, Nathan ? Ah, moi, j'étais pas à un concert, il y avait pas 18 000 places, mais j'étais sur mon lit de places. Ah, j'ai fait ma petite liste de Noël hier soir dans mon lit tranquillement, et quand j'en ai parlé à ma banque, ils m'ont regardé, ils m'ont fait. Du coup, voilà, je pense que je vais changer de liste de Noël. Ouais. Courage. Moi, les gars, hier soir, je suis allé manger dehors avec des potes et c'était hyper sympa. En sortant, je me suis aperçu que ça y est, toutes les décos de Noël sont installées dans les rues. Bon alors il y a des trucs magnifiques, mais il y a aussi des trucs très moches, je sais pas si vous avez remarqué. Oh, par ouais. La rue à côté de chez moi, c'est tout vert aux couleurs du Grinch, c'est une espèce de petit personnage dégueulasse. C'est horrible. Et en parlant de préparation de Noël, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet avec notre dose du jour. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh la fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studek Web. Le dose du jour, aujourd'hui, on va parler de la préparation de Noël. Alors dites-nous tout sur les réseaux sociaux, ce que vous comptez faire, si vous allez inviter des potes, la famille, quel repas vous avez prévu. On veut tout savoir, on est curieux sur Studek Web. Et tiens, Nathan, pour commencer, par exemple, tu vas faire quoi toi pour Noël? Bah moi, je sais pas vous, mais moi, je pense fêter Noël déjà avec ma famille, hyper important. Donc comme d'hab, le bon repas de Noël. Et l'année dernière, c'était des huîtres à manger. J'en avais pas mangé, pourquoi? Parce que pour moi, les huîtres, c'est fait comme ça. Oh non. Oh mec, voilà. Bien jaune. Merci. Voilà. Bon appétit hein, si vous êtes à table. Mais c'est horrible. Mais hey, arrête, stop. Ah, je commence direct moi. Ah, c'est dégueulasse. Excusez-le, il est complètement ailleurs. Ah, et bon appétit surtout. Surtout. Non, moi pour Noël, ouais, pareil, hein, je reste classique, je fais ça tranquillement chez mon père avec toute ma famille. D'un côté, je suis content parce qu'il y a des moments en famille, des cadeaux, de la bonne humeur, de la joie dans les yeux des gens, tu vois. C'est vrai. Mais de l'autre, bon, pas trop, hein, vu qu'on rentre en hiver. Hein, et moi, l'hiver, c'est pas une saison que j'apprécie particulièrement, parce que non pas que je sois frileux, hein, mais plutôt maladroit. Déjà que l'été dernier, je me suis défoncé la cheville en me faisant une grosse entorse, en me pétant la gueule dans les escaliers. Alors qu'il y avait même pas de verglas, rien du tout. Là, avec le verglas qui arrive, mec, je suis déjà en train de me rentraîner à marcher avec des béquilles. Mais mec, j'espère que tu vas nous faire suivre ça, parce que si l'année dernière, tu t'as glissé. Je te jure. Moi, j'ai envie de savoir ce que ça va être cette année, tu vois. Mec, je te jure, ça va être une patinoire. Et toi, Axel, tu pars où cet hiver? Moi, pour Noël, je serai à Barcelone avec mes parents. Petite vacances en famille sympa. Ça fait du bien aussi, juste de ressourcer, tu vois. J'y suis jamais allé en plus, ça va être une découverte totale. Nathan, d'ailleurs, toi qui maîtrises parfaitement Speedy Gonzalez, c'est content pour me filer des cours d'espagnol. Non, mais je vais même te faire la météo en espagnol. Eh ben nickel. Dans un instant, vous allez savoir ce qui s'est passé un 5 décembre. La météo, ça arrive avec toi. Et puis en attendant, je vous joue tous vos sons préférés toute l'après-midi. Je sais pas si vous connaissez Willy William, vous avez pu le découvrir avec J Balvin sur le titre Mi Gente. Eh bien, voici son dernier titre, ça s'appelle La La La. Et c'est dans le coup de boost. C'est jusqu'à 15h sur Studek Web, donc kiffez avec nous. Me a play this snare drum, pass up the tune fee, grab your teardrop. I fi put charisma on me walk, me a feel out of space like a new walk. Them a call me Frenchy, but me a handle your Jamaican party. The one a DJ, them a play me style. Come out the boot a papi, grand for the party, grand for the money. Pass up the tune with my Frenchy style, say make pan the rhythm part. While me a try, them a sweat pan the rhythm, me a must get a blind. No more party until you stop cry. Fresh and sparkle like a Canada dry. Mama say, mama sa, mama cosa, I say la la la la la la la la. La la la la la la la la. Come can't jog with the Frenchie. You better call the officer. Me not afraid to party. How you know me have a full of stamina? Me come fi bust it up, bust it up. Just tell them me come fi bust it up, bust it up. Brand new style, me a back it up, back it up. Go. All I wanna sing is la la la la. But me not deal with blah blah blah blah. Me sing every style, etc. Baila say you can't throw Macarena. Leave your leg up on this phenomena. Me not easy, cause you know me stamina. Mama si, mama sa, mama cosa. I say la la la la la la la la la. La la la la la la la la. Sur Studio Quad, il est très cool ce titre, moi je vous le dis, m'a donné envie de danser, pas vous? Yes. Bienvenue dans le coup de boost, si vous nous rejoignez, on vous accompagne jusqu'à 15h, on est également en direct vidéo sur Dailymotion, on vous fait un coucou, vous êtes là? Salut. Salut, salut, salut. Et alors aujourd'hui dans le dose du jour, on parle des préparations de Noël, et oui Noël à poche à grands pas. Mathias, en rapide, qu'est-ce que tu vas faire toi pour Noël? Qu'est-ce qui est indispensable pour toi? Un indispensable pour Noël, pour moi, c'est les films de Noël, pour patienter entre les plats, tout ça. Tu sais, ceux que personne n'écoute, comme moi au lycée. Mais non, mais c'est hyper triste. Moi, tu sais ce que je pense qui est indispensable pour Noël, c'est la neige. Je trouve que c'est vraiment magnifique, ça fait partie de l'espèce de magie de Noël. Et tiens, en parlant de ça, Nathan, est-ce que ça serait pas le moment de la météo? Eh oui, c'est le moment de la météo. Alors non, il ne va pas neiger cet après-midi. Noi nejo en la tarde, je t'avais dit que je la faisais en espagnol. Attends, assez mitigé sur l'ensemble du territoire, dans la partie nord du pays, le ciel sera parsemé de nuages, notamment en Bretagne, où quelques averses seront attendues. En el norte esperamos muchos nuages, sobre todo en Bretagne, donde habría lluvia. Au niveau des températures, on attend 11 degrés à Paris et à Lyon, 14 à Nîmes et Bordeaux, et la maximale pour les Niçois qui profiteront de leurs 17 degrés. Hay mucho calor caliente, 11 grados a Paris y Lyon, 14 para Nîmes y Bordeaux, et el maximum pour Nice, con 17 grados. Merci Nathan. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Tidekweb. Il est 14h08 et c'est l'heure de regarder ce qu'il s'est passé un 5 décembre. Alors premièrement, un 5 décembre, c'est la journée internationale des volontaires, mais c'est aussi une journée mondiale, une journée internationale assez particulière, je vous laisse deviner avec cet extrait. Voilà. À votre avis. Oula. La journée internationale des gens qui crient de manière bizarre. Non, c'est la journée internationale des ninjas. Donc si ah vous êtes oui, ninja ouais. Et que vous nous écoutez, passez une excellente journée. En 1989, on continue, c'est le record de vitesse du TGV sur la ligne Atlantique. La rame du TGV numéro 325 atteint la vitesse de 482,4 km/h. Elle bat le record du monde et atteint la vitesse sur rail. Le train 6762 entrera en gare, voie 7, avec 2 heures de retard. Sinon, dans les années 2000, décision d'arrêter l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, repris depuis par De Chavannes. La dernière a eu lieu le 29 décembre et heureusement, aujourd'hui, elle a repris, présentée par Laurent Ruquier. Mathias. En 2004, l'Espagne remporte la Coupe Davis face aux États-Unis. Et c'était également aujourd'hui l'anniversaire d'Anthony Martial. Qui a 23 ans aujourd'hui, mais également de Frankie Muniz, qui a 33 ans, acteur qui joue dans la série Malcolm. Et puis aujourd'hui on ne fête pas malheureusement la. Ça fait un an que Johnny Hallyday est mort, il restera bien sûr dans nos mémoires. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos. Magnifique chanson de Johnny Hallyday, ça c'est sur l'album il se semble avec David, son fils. Exactement. Au-delà de nos différences. C'est aussi l'anniversaire de Patricia Cass, elle a 52 ans aujourd'hui, et le petit Richard, l'un des inventeurs de ce qu'on appelle le rock and roll, Little Richard, a 86 ans. Et pour entendre un petit peu sa musique, Little Richard, ça donnait ça. Hello, L'un des premiers artistes à avoir séduit un public à la fois noir et blanc aux États-Unis. Et ce qui était euphorique avec cet artiste, c'est que carrément les gens, les femmes jetaient des culottes sur scène. Et les spectateurs euphoriques, on les empêchait en fait de sauter des balcons. C'était impressionnant pour l'époque. 14h10 sur Studek Web, toujours en direct sur Dailymotion avec vos réactions avec le hashtag CDB et tous vos messages qui arrivent sur Facebook, Insta, vous êtes hyper nombreux. Dans un instant, on vous parlera des infos inutiles que vous pourrez remplacer lors d'un dîner de famille. Et oui, Studek Web, c'est aussi la radio de la culture, j'ai envie de vous dire. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler dès maintenant pour nous laisser vos messages dans la boîte noire qui arrive juste avant 15h. Le retour du son, c'est avec le titre d'Angèle en collaboration avec son frère Romeo Elvis. Tout oublié sur Studek Web, c'est maintenant. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier, pour y croire. Faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais. Angèle, Romeo Elvis sur Studek Web. On est toujours en direct sur Dailymotion et on lit tous vos messages avec le hashtag CDB. Le coup de pouce, c'est le deuxième réveil de la journée, de 14h à 15h sur Studek Web. Alors Nathan, qu'est-ce que ça dit sur les réseaux sociaux? Alors, on a beaucoup de réactions, déjà je lis le premier tweet. Hyper important, c'est Maman Pujol, hashtag Maman Pujol, qui nous regarde en fait sur Dailymotion en direct et elle a tweeté: oh, il est beau mon fils, il est beau mon chéri, tout mignon, c'est le plus beau de l'équipe. Voilà, donc on embrasse Maman Pujol. Bah, écoute, pour ça fait plaisir, je l'embrasse, gros bisous à elle. On commence ces infos inutiles avec toi, Mathias. Yes, moi je voulais savoir qui n'a jamais rêvé de devenir pilote d'avion. C'est vrai, ça a gros salaire, bah, ouais, la joie de pouvoir voler, bien. Tout ça, ça donne envie. Et si je vous disais que lors d'un apportage sur le porte-avions Charles de Gaulle, le pilote d'un Rafale ne dispose que de 90 mètres pour passer de 220 km km/h à zéro. Ça fait flipper. Ouais, ça fait plaisir. Ça représente une énorme décélération, tellement énorme que le pilote subit 4G, 4 fois la force de la gravité. Et autant vous dire que vous voulez pas subir 4G. Hein, les symptômes, douleur atroce dans le dos, puis dans le crâne, puis entièrement dans le corps, puis un voile gris devant les yeux, possible perte de connaissance et éventuellement la mort. Ça va. Vous avez toujours envie d'être pilote d'avion ? Personne. Non, on est bien animateur, je pense que c'est ouais, plus c'est sympa bien quand aussi. Même. On c'est moins de danger. Horrible, c'était vraiment très intéressant. Merci. Nathan, dis-moi. Alors moi, on va faire un petit calcul de maths avec vous et vous aussi qui nous écoutez. Axel, Mathias, vous avez eu combien au bac de maths ? 12. Moi je pense que j'ai dû avoir 6. Mais je sais même plus. Je préfère pas m'en souvenir. Bon, alors en fait. Je vais te poser la question à toi, Mathias, Axel. Problème de maths, sachant qu'il doit passer par 91 millions de maisons en 31 heures, décalage horaire compris, et que la distance moyenne séparant chaque maison est de 2,62 km, à quelle vitesse se déplace le Père Noël, Axel ? Je sais rien moi. 10. Il n'y a pas d'unité de mesure, juste 10. Si le Père Noël nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous envoyer un message sur Facebook et qu'il nous dise. Non mais j'ai la réponse Axel, j'ai la réponse. Pour délivrer ses cadeaux, le Père Noël devrait voyager à la vitesse de 1050 km seconde. Pas kilomètre heure. Ah, kilomètre seconde pour visiter les 91 millions de maisons. Mais c'est à beaucoup côté, trop rapide. Ouais, à côté de la vitesse du son, c'est de la merde, clairement. Ah oui. Eh bien, courage Père Noël. Merci. Ça va être quelques jours quand même. Moi j'ai une petite info là pour vous rapidement. Les pingouins mangent en moyenne 13 fois leur poids en une seule journée. Ils ont de la chance, c'est qu'ils ne grossissent pas. Par contre, je me pose quand même une question. S'ils mangent 13 fois leur poids en une journée, est-ce qu'ils vont aux toilettes autant de fois ? Je sais pas, c'est vrai que ça m'intrigue. Donc si vous êtes pingouin, que vous nous écoutez, dites-le nous. Et n'hésitez pas à répondre à cette question. Ah ! Mathias vient de déclencher l'alerte média à l'instant, alors que se passe-t-il ? Ah, il se passe que c'est l'affolement à France 2, avant la grande fête du Téléthon qui doit se tenir ce week-end. Et débuté vendredi soir, la préfecture de police de Paris demande aux équipes du Téléthon de déménager leur studio installé place de la Concorde à Paris, à cause des éventuelles nouvelles manifestations des Gilets jaunes samedi. Et ça, c'est le Parisien qui le dit. Une source proche du dossier explique au quotidien que la mesure est prise pour des raisons de sécurité, bien sûr, pour éviter que le plateau soit envahi par des manifestants, mais surtout pour des raisons un petit peu pratiques, parce que le quartier va être bouclé par les forces de l'ordre et donc il sera impossible pour les invités quasiment d'accéder au plateau. Ah oui. Le journal a aussi révélé que seront annulés plusieurs défis sportifs prévus dans les rues de la capitale vendredi et samedi, qui sont censés être retransmis en direct. Bah écoute, moi j'espère qu'ils vont trouver une solution, parce que c'est vrai que le Téléthon c'est hyper important, mais ouais, c'est ça important. Permet de faire avancer la recherche. D'ailleurs, on vous incite à donner au Téléthon si vous pouvez, c'est super bien, c'est une très bonne chose. Tu sais, je me rappelle, il y avait les Kids United qui étaient venus au Téléthon, ouais. Et il y avait un des mecs qui avait dit levez-vous. Ouais, c'est horrible, ouais, les bras. Gros humour noir, hein, carrément. Maison, poisson, hélicoptère, verre de terre, pain, biscotte. Chelou un petit peu. C'est le booster sur Studek Web. Le jeu du booster arrive avant 15h. Vous allez pouvoir donc tenter de remporter votre pack Studek Web. Alors dedans, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Mathias, des t-shirts, il y a des stylos, okay. Des photos dédicacées, un marqueur, des visites des studios. Et surtout la visite des studios. Oui, surtout. Parce que vous venez faire de la radio avec nous et ça va être juste top. On aime bien vous rencontrer, on kiffe ça. Donc c'est quand vous voulez. Le principe du jeu est très simple. Vous nous posez un maximum de questions pour essayer de deviner le mot du jour en rapport donc aujourd'hui avec Noël. Noël. Vous êtes pas du tout assez réactif. Bah, si, mais pas trop. Mais faut qu'on soit coordonnés, Mathias. Attention. 1, 2, 3. Noël. Ah, nickel. Voilà, c'est bien. Vous êtes bons, les gars. La seule contrainte, si vous proposez 3 mauvaises réponses, les gars, c'est malheureusement perdu. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. Vous allez voir, c'est assez facile. Pour participer, c'est très simple. Vous nous envoyez un message sur Facebook, Twitter ou Insta. Un tirage au sort aura lieu tout à l'heure et commencez à réfléchir à des mots en rapport avec Noël. Vous restez avec nous. Le dos du jour continue. On parle avec vous de Noël, donc soyez bien à l'écoute. Restez attentifs. Ça va pouvoir vous aider pour le booster en fin d'émission. Et puis, dans un instant, l'info du vrai faux qui arrive avec tous vos sons préférés. Je vous ai prévu Stromae, Loud, le duo de Patrick Fiori et Stromae, et puis un classique Justin Timberlake. J'adore ce titre, il est génial. Attends, il est en train de danser. J'adore. Ouais, c'est funky, j'adore. Ah ouais, il met de bonne humeur. Allez, ça arrive dans un instant. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Ah, mais j'ai jamais le droit aussi. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studek Web. Yeah. inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Timberlake à l'instant sur Studek Web. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh la fafale. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studek Web. Aujourd'hui dans le dose du jour, on parle des préparations de Noël. Et oui, Noël approche à grands pas, beaucoup plus vite qu'on le pense. Alors les gars, il y a forcément un truc qui vous énerve durant cette période, je sais pas. Peut-être que c'est au niveau de la nourriture, une blague, un plat que vous détestez, je sais pas. Nathan, on commence avec toi. Bon, moi j'en ai parlé tout à l'heure, je déteste les huîtres, mais on va pas remettre l'extrait parce qu'apparemment non, c'est ouais, dégueulasse. Par contre, je suis tombé sur une étude hier qui dit le budget moyen pour Noël va progresser cette année de plus de 20%, près de 130 euros par enfant. Pas chez moi. C'est le budget. Mais toi, tu n'es pas parent, c'est pour ça. Mathias, écoute. Des cadeaux que les parents achètent de plus en plus sur internet et non dans les magasins. Et en moyenne, 6 parents sur 10 achètent 1 à 3 cadeaux par enfant. Vous avez déjà fait votre liste de Noël et vous, votre budget, c'est quoi? Vous êtes fixé combien? En budget, peut-être une cinquantaine d'euros par personne. Par personne. Ah, c'est bien déjà. Non, mais en vrai, c'est 50 euros une fois. Non. Tu es tout seul, Mathias. Attends, en fait, tu sais, Mathias, il s'offre des cadeaux à lui-même. D'accord. Ok. Et toi, Axel? Moi, j'avoue que j'ai pas encore commencé à réfléchir à la chose, mais. T'as le temps. Hein. Ouais, tu sais que j'ai même pas encore fait ma liste hein, de Noël. On est le 4. Tu veux quoi, mon petit Axel? Viens t'asseoir sur mes genoux. On va éviter ce genre de choses, nous sommes à l'antenne. Non, mais c'est toujours une galère de trouver des cadeaux de Noël en vrai. Ouais, c'est vrai. Pour les enfants, surtout parce qu'ils veulent tout. Ah, perso, ouais. Je vous ai fait une petite liste du top 5 des jouets les plus demandés cette année pour les enfants. Comme ça va vous inspirer si vous cherchez. Exactement. Vous numéro 5, c'est le jeu de société Burger Quiz. Oui. Voilà. On ne s'attendait pas spécialement cartonne, à retrouver hein, là. Mais chez les enfants, ouais, mais c'est un truc de fou, ils cartonnent de fou. Numéro 4, le jeu Gravitax. C'est un circuit à billes à l'ancienne. Et, le circuit à billes? Ouais, et c'est grave en vogue, les courses de billes, genre sur YouTube. Il y a des mecs qui font des courses de billes, mon pote. C'est moi, j'étais petit, impressionnant. Je jouais dans la cour aux billes. Je te jure que c'est vrai. Numéro 3, le château de Poudlard, Lego Harry Potter, logique, 20e anniversaire de la saga. Ça fonctionne tout le temps. Et Lego, c'est indémodable. Exactement. Numéro 2, les Toupies Beyblade. C'est toujours au goût du jour. Wow, ça fait des années marche, que c'est là. Hein. Et je jouais à ça. Et ça fait 3-4 ans que c'est en tête des ventes à chaque fois, sauf là, parce que c'est deuxième. Parce que les premiers, c'est les poupées LOL. En fait. Ah. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire qu'est-ce les poupées c'est quoi les poupées LOL? Nathan, écoute, mec. Non, c'est les poupées LOL. Stop, en fait, il faut se canaliser. Comment dire, c'est un cadeau surprise en fait. C'est. Ah, tu connais Nathan, pas les. T'es en manque? Tu connais qu'est-ce pas qu'est-ce les. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Bon, je suis célibataire tout comme toi, Axel. Hein. Ça va. On est pas obligé de le rappeler à toutes les émissions. On a Louise de Paris au téléphone. Salut Louise. Salut, tu m'entends? Équipe. Ouais, je t'entends. Alors, moi, tu sais, Louise, ce que je déteste à Noël, c'est clairement ça. C'est l'horreur cette musique, sérieux, on l'entend tout le temps. Et tu sais, Sia, elle a sorti un album il y a pas longtemps, mais j'espère oui. que. Il est très très bien d'ailleurs l'album hein, sur Noël. J'espère qu'un jour tu vois, il va le devancer. Louise, qu'est-ce que t'en penses de cette musique? Ah, moi j'adore, hein, ouais. J'adore Noël de toute façon. T'as raison, vive Maria Carré. C'est quoi toi le truc que tu détestes le plus à Noël? Ce que je déteste le plus? Ouais. C'est peut-être me retrouver avec la famille des fois qu'on aime pas trop. La belle famille? Ouais, surtout ça. J'aime pas les gens. Ça peut être relou parfois, je comprends. Bah écoute, en tout cas, merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Tu sais quoi, on va t'envoyer un petit cadeau à la maison pour Noël, d'accord? Cool, super. Mais Louise, t'as déjà fait ta liste de Noël? Oui. Mais t'es qu'est-ce maman t'as demandé au Père Noël? Ouais, t'as commandé quoi? Oui, bah moi j'ai commandé un nouvel ordinateur. Ah, oh, très bien. Ça coûte cher. J'espère l'avoir. Et t'as des enfants, Louise? Oui, j'ai un petit garçon. Et il a commandé quoi pour Noël? Que bah, lui, ça nous donne des idées? En fait, il est fan de grosses peluches. Ah, sympa! Du coup, voilà, je vais lui faire plaisir. Eh ben, ça prend de la place dans la chambre, ça, c'est bien. Ouais, tu peux lui offrir la poupée LOL de Mathias, qu'il a présenté tout ça, à l'heure. Ça, ou alors la peluche Axel qui est disponible sur. C'est vrai, bientôt la boutique Studec, ouais, bah, on vous fera ça dans pas longtemps. En tout cas, merci Louise et tu reviens quand tu veux, d'accord? Merci cool, à toi d'être passé sur Studec. À bientôt, salut, j'ai Louise. Salut. Nathan, on se fait un petit point sur les réseaux sociaux yes. rapides. On a beaucoup de réactions. On a un fan de Johnny justement qui a réagi. Eddie Johnny Forever, c'est son pseudo. Il disait Johnny était vraiment l'un des artistes qui a apporté le rock en France. Je le remercie, c'était un vrai showman. Je me rappelle de son concert au Stade de France. Et ma chanson préférée de Johnny, c'était Gabriel. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Eh ben écoute, je crois que Johnny aimait beaucoup cette chanson aussi. C'était une de ses chansons favorites. Je crois qu'il l'avait dit en interview. Nathan, je sais pas si t'avais vu ça. Non, mais pose pas cette question parce que oui, beaucoup oui, bien musique, sûr, mec, il l'avait dit. Ben non, mais excuse-moi, mais s'il y a un professionnel de la musique autour de la table, c'est quand même non, mais toi. Là pour le coup, musique ouais, française, c'est vrai que je suis ailleurs. Non, vraiment, la musique française, bravo, je m'y connais voilà vraiment. Voilà comment elle est préparée tout, cette émission. Vous avez les coulisses, voilà. Vous n'oubliez pas, avant 15h, on vous appelle pour gagner un pack Studec Web avec t-shirt, stylo, stickers, la visite des locaux. Vous allez pouvoir tenter de remporter tout ça. Votre pack Studec Web, vous nous envoyez simplement un petit message sur Facebook, Twitter, Insta. Et puis on vous rappelle tout à l'heure, n'oubliez pas, le but c'est simple, vous devinez le mot du jour. Et le thème du jour, c'est quoi les gars? Noël. On les était gars, coordonnés. Ah, non, on était coordonnés là. Le thème dire. Du jour, c'est quoi? En retard, mais coordonnés. Noël. C'est bien, mais les huîtres. La prochaine fois, les gars, vous avez intérêt de pleurer, que je vous le dis. On cherchait tout plein de mots en rapport avec Noël, la préparation des fêtes, les cadeaux, le Père Noël, les décos. Et puis vous aurez peut-être la chance de repartir avec votre pack Studec Web. Avant ça, l'info du vrai faux arrive avec nos deux journalistes sortis tout droit d'un autre univers. Nathan, tu nous parleras musique. Ouais. Et moi, je reviendrai sur les phrases reloues que l'on entend tous les ans à Noël. Ça arrive juste après ça. Tous les jours, ils sont là, une équipe complètement déjantée, composée de Corentin, Julie et Morgane, prêts à vous faire kiffer durant une heure complète d'émission. On les appelle les meilleurs des meilleurs, vous ne pouvez pas les rater. Aujourd'hui, ils reçoivent Fred Deneux, une radio concurrente, mais tout de même, où l'on reste amis. Fun Radio, pour ne pas les citer. Des infos de la culture et de la déconne, c'est Studec Borderline, et c'est tous les jours, de 15h à 16h, sur Studec Web 1. Rendez-vous sur Dailymotion, à partir de 15h. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. De retour dans le coup de boost, bienvenue dans votre deuxième réveil de la journée. Je crois qu'il est l'heure de laisser place à nos deux journalistes de l'extrême. Voici l'info du vrai faux. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur Studek Web. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Axel, bonjour à tous. Un point qui mêle à la fois mode et politique pour démarrer ce flash. Baptiste Yellow Kissington a dévoilé sa toute nouvelle collection en collaboration avec Karl Lagerfeld. Parmi cette collection, un nouvel article plutôt original qui cartonne depuis hier, écoutez. Ouais, salut les gars. Alors en fait, je suis un créateur. J'ai fait le gilet jaune, mes slips sur la tête en même temps. Alors c'est un concept, c'est retourner les valeurs de la société et en même temps réussir à créer un objet de mode unique et en même temps inégalé, quoi. Mon slip est 100% vegan, respect des animaux et de la nature avant tout. Et les premiers manifestants ont également commencé à ériger ce nouveau moyen de reconnaissance. Problème, ils ne voient rien. Un second prototype est en cours de production. Pour venir contrecarrer ce problème, a annoncé Karl Lagerfeld sur son compte MySpace. Et toujours aucune nouvelle concernant l'état de santé de Bob l'éponge. Pour rappel, la semaine dernière, il avait entamé une profonde et sévère dépression suite au décès de son créateur, Stephen Hillenburg. Dimanche soir, nous apprenions qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours en sortant de l'océan. Les secours l'ont pris en charge et emmené au CHU de Bikini Bottom. Nous n'avons toujours pas d'informations concernant son état de santé. Et on finit cette info du vrai faux avec les sorties originales. Marcel Campion vous invite au marché de Noël 2019 de Paris. Anne Hidalgo a immédiatement réagi en lui rappelant qu'il devait dégager rapidement. On écoute la réponse de Marcel à Anne. Salut à tous, c'est Marcel Campion. Eh oui, vous avez communiqué, vous vouliez pas nous en sur les Champs-Élysées. Et on revient à Hidalgo, au deal. Yes. Ok, c'est parti, rendez-vous tous sur le Champ de Mars. Il y aura des éléphants, il y aura du popcorn, de la bamba papa, le spinball, la vie de jambe gonflable, ça va être génial. Merci messieurs, l'info du vrai faux revient demain sur Studek Web avec des journalistes, je l'espère, meilleurs. L'info du vrai c'est terminé. Le coup de boost, ça continue, vous bougez pas. Et puis, dans un instant, je vous parlerai des phrases chiantes que l'on entend tous les ans à Noël. Et Nathan viendra nous parler musique, donc restez bien là. On attend tous vos messages dans la boîte noire encore. Et le booster qui arrive juste après, le duo de Patrick Fiori et Soprano. C'est sur Studek Web, vous êtes dans le coup de boost. On est avec vous jusqu'à 15h. Vous là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi tu fais quoi la smala, mettez-vous par là. Thierry Tali, toi malien, vous serez voisins. Un jour on s'est posé là. Vous toi la coince étroit, pas de charabia. C'est provisoire, on verra, 30 ans qu'on est là. L'école en bas, le tabac, deux boutiques ici. Et c'est là qu'on a grandi. On avait traversé les mers, on avait tout laissé derrière. Dieu que la vie nous semblait belle, on était chez nous au plan d'Arderbel. On faisait le tour de la terre, à chaque étage solidaire. C'est ici qu'on poussait nos ailes, dans notre Babel au plan d'Arderbel. Tu te souviens de Sarah, Kader et Soldat? Les fiestas, des gitans rivois. C'était tagine et pizza, doudou qui guitare. Les portes ouvertes et l'espoir. C'était pas que Futura et tous les clichés. On rêvait c'est un viva, un job et voté. Les conneries, les faux bagarres. Nous semblait belle, on était chez nous au plan. Fiori et Soprano à l'instant sur Studek Web. Aujourd'hui, on parle de Noël, de la préparation du repas et de donc de tout ce qui va avec. Et vous allez vous rendre compte que tous les ans à table, on a à peu près tout le temps les mêmes discussions. Je sais pas si vous êtes d'accord les gars avec ça. Totalement ouais, d'accord. La petite copine. Alors attendez, ne spoil pas ce que je vais vous dire dans un instant. On est d'accord, il y a toujours déjà une tante relou qui est persuadée que la dinde est toujours trop cuite, un oncle un peu chiant qui a légèrement trop picolé, qui te parle des radars installés en bord de route, tout en te postillonnant gentiment sur le visage, c'est charmant. Voilà, la même question des enfants aussi qui revient tout le temps. Il est où le Père Noël, il arrive quand? Et derrière, t'as toujours un ado qui répond, ben jamais, il n'existe pas, tocard. Eh bien, c'est vrai que quand tu es jeune. Les enfants. Ah, si, il existe, hein, il vient de mentir. Non, mais bien sûr, tu vois, c'est juste que les ados ne disent pas forcément la vérité parfois, malheureusement. Ils mentent un petit peu, bon, c'est leur âge. Quand tu es jeune, c'est vrai que ce qui revient souvent aussi, c'est tes grands-parents qui te disent alors, ça se passe bien l'école? Attends, je leur fais. Alors, ça se passe bien l'école? T'as des bonnes notes, j'espère? Et toi qui leur réponds toujours de la même manière, mais écoute, ça va super. Eh ben nickel, cool, top. Alors que t'es desco depuis 3 ans. C'est ça, et personne s'en est rendu compte, c'est ça qui est génial. Souvent la deuxième phrase qui arrive aussi, c'est « Alors, tu nous la présentes quand ta petite copine ?» Ah, tu vois. Eh bien écoute, il va déjà falloir que je la trouve, et ensuite, commençons par le commencement, installer Tinder. Et pour finir, on en a marre, j'en ai vraiment marre, je vais péter un câble sur cette phrase. Noyeux Joël, stop. Faut arrêter, l'horreur cette blague, ça fait rire. Est-ce que ça fait rire quelqu'un? Non. Ben ah, oui, on est d'accord. Déjà, à la base, ça faisait pas rire les gens. Alors même maintenant, ça fait pas rire. On est bien d'accord. Nathan, tu fais pas ce genre de blague toi? Bah si, clairement. Tu connais la blague de la chaise? Non. Dis-moi. Elle est pliante. Oh mec, c'est horrible. C'est horrible, mec. Je m'arrête, c'est bon. Tu vas nous parler de musique dans un instant. T'as intérêt à relever le niveau tout de suite. Pas de soucis. Ça vous dirait d'écouter une bonne vieille chanson? Ah oui. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ah non, pas si vieux quand même. Le tube du grenier sur Studek Web. Bon, hier soir, j'étais dans mon lit, les gars. Je me suis imaginé une scène un petit peu dommage. En fait, j'étais vraiment en bad. Plus simplement, j'ai fait un rêve. C'était plus un cauchemar. Enfin, je sais pas. En fait, j'étais vieux dans mon rêve. J'étais un papy et je parlais des titres que j'écoutais pendant mon enfance à des petits enfants. Du coup, ça devait donner quelque chose comme ça. Oh, bonjour les enfants. Oh, bonjour papy. Comme je suis content de vous voir. Cela fait longtemps que je ne m'avais pas rendu visite. Papy, raconte-nous une histoire. Oh, c'était il y a fort longtemps. Une époque où j'étais encore jeune et séduisant. Je m'en rappelle. Je me tapais votre grand-mère. Oh non, papy, non. Heureusement... Arrête, je peux pas rigoler à cause de toi. Concentration, les gars. Vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'était dans les années 2000. C'était un temps où la PS2 était à la mode, où il n'y avait que 151 Pokémon. À cette époque, on écoutait de la bonne musique. Je me rappelle encore de Fallin, d'Alicia Keys. En 2001, écoutez comme c'est beau. Alicia, c'était une jeune pianiste, chanteuse, new-yorkaise. Elle avait une voix, c'était juste magnifique. Une vraie artiste. Après son premier album Songs in a Minor, ensuite, elle a cartonné. Je l'adorais. Mais j'avais une chanson préférée, les enfants. Ah bon, papy? C'était quoi? Elle était mélodieuse. Ça parlait de l'une des plus belles villes au monde, New York. C'était tellement beau. À la base, c'est un piano-voix, mais je vous ai fait une version spéciale. J'ai mélangé deux versions de la musique, l'original et celle en duo avec Jay-Z. Empire State of Mind. C'est Alicia Keys, les enfants. See my face in lights, on my name, a monkey's found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Sur Studio Club, Alicia Keys qui a sorti derrière un dernier album. Vous voulez que je reprenne ma voix de vieux ou pas, les gars? Oui, ouais, c'est vraiment oui. Je crois que bienvenue. Tu le fais mieux que moi, bienvenue Mathias. Bienvenue à l'EHPAD êtes... d'ici les Moulins. Bienvenue dans la maison de retraite. C'est une belle émission aujourd'hui. Studio Club. Et du coup, Alicia Keys, juste pour revenir sur elle, elle était en concert récemment à Paris. Et dernière chose, elle a sorti un album qui s'appelle Coffee House Classic Volume 1, sorti cette année. Donc allez l'écouter si vous avez un petit peu de temps. C'est quel style? Ah, c'est R&B. C'est vraiment du hip-hop R&B là pour le Merci coup. Merci Nathan et franchement je trouve ça très sympa. Ouais. Dans moins de 5 minutes, j'appelle l'un ou l'une d'entre vous pour gagner un pack Studek Web à l'intérieur. Tout plein de cadeaux, ça vous fait rêver, je suis sûr. Hein, on est d'accord les gars? Moi perso, j'en rêve la nuit. Et voilà, vous nous envoyez simplement un petit message sur Facebook, Twitter, Instagram et on vous appelle dans quelques minutes pour jouer au jeu du booster avec nous. Les règles sont très simples, il suffit de deviner le mot du jour en rapport avec notre dose du jour, donc. Les huîtres. Non, Noël. Non, pardon. Noël. Là, vous allez perdre, on est en train de perdre du monde là. Non, non, c'est Noël, vous en faites pas. Voilà, donc Noël, pour ce faire, vous avez le droit de nous poser un maximum de questions que vous voulez, mais alors attention, de 3 mauvaises réponses, c'est terminé, donc bye bye. Le pack Studek Web. Dépêchez-vous, plus que 5 minutes pour jouer. Nathan, on se fait un petit point rapide sur les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réactions. Encore, il y a Karim Benzegra qui a réagi, qui dit: moi j'étais fan de Johnny Hallyday, et je pensais vraiment pas, je pensais qu'il écoutait plutôt du rap, Karim. Et il me dit: moi, ma chanson préférée c'était Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et sinon, il me dit aussi: est-ce que vous avez vu la cérémonie de la remise du Ballon d'Or? C'est vrai qu'on en a pas parlé hier. C'était très gênant, mec, vraiment. C'était l'enfer avec Martin Solveig. Luka Modric qui a gagné, je pensais pas pour le coup. Cristiano Ronaldo en deuxième et Griezmann en troisième, enfin un Français. Ouais, moi Martin Solveig m'a fait beaucoup de peine je reviens sur la polémique, mais j'ai trouvé qu'il avait, il y avait, c'était pas méchant en fait, son intention était pas méchante, mais c'était extrêmement gênant. Mais il avait rien à faire là surtout. Voilà, je sais pas ce qu'il faisait là, mais c'était assez bizarre. Il est 14h45, je referme la boîte noire. Loud, ça arrive dans un instant. C'est juste avant 15h, juste avant de retrouver toute l'équipe de Borderline qui prend le relais, donc bougez pas. Bonjour, c'est Mehdi Mansouri. Retrouvez-moi en compagnie d'Alice Pascal du lundi au jeudi entre 16h et 17h pour L'Heure Média sur Studek Web. L'Heure Média, ce sont vos médias, puisqu'on vous décrypte toute l'actu qui agite la sphère média, mais aussi la découverte ou redécouverte d'émissions mythiques qui ont marqué le monde de la radio et de la télé. Vous pourrez réagir à tout moment à L'Heure Média grâce aux réseaux sociaux avec le hashtag Heure Média. Donc rendez-vous du lundi au jeudi sur Studek Web de 16h à 17h pour L'Heure Média. C'est le coup de boost sur Studek Web. I'm braving the night cause I can't sleep. Thinking about you. Or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you. Or thinking about how. keep missing you too much. You too much. And live without you, live without you. Kiss so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Sur Studek Web, c'est l'heure de la boîte noire. Oui, salut l'équipe. Alors, vous avez pas parlé du Ballon d'Or hier et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez du nouveau Ballon d'Or. Salut, c'est Didier Grec, j'écoute Studek Web et je voudrais mixer dans votre radio parce que la meilleure radio est Studek Web. Salut l'équipe, moi c'est Léo. J'ai trouvé les cadeaux de Noël sous le lit de mes parents et maintenant je sais plus quoi est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois leur dire ou pas? Ah, eh bien écoute, on a déjà, merci. On a trois messages. Merci d'être aussi nombreux, voilà, parce que vous avez quand même été vachement nombreux à nous envoyer vos messages. Ça fait plaisir, c'est très cool. Pour répondre à DJ Greg, écoute, pourquoi pas, peut-être qu'un jour on pourra s'organiser une session, tu viendras mixer avec nous, avec grand plaisir. Et pour celui qui demande pour le Ballon d'Or, du coup on en a parlé il y a 5 minutes, mec. Voilà. Donc pour résumer, pour faire simple, Luka Modric est arrivé premier, le deuxième c'était Ronaldo et le troisième Antoine Griezmann. Exactement, et puis je vous propose les gars, qu'on accueille Léo. Léo, c'est ce petit auditeur qui nous a appelé, qui nous a dit qu'il avait trouvé les cadeaux en dessous du lit de ses parents. Léo, tu nous entends? Ouais, Léo. Allô. Salut Léo, tu vas bien mon pote? Ouais, ça va. Alors mon pote, explique-nous ton problème. T'as trouvé les cadeaux, c'est ça, en dessous du lit de tes parents, et tu sais pas si tu dois leur annoncer, tu sais pas si tu dois faire genre? C'est ça, ouais, puis je suis pas sûr en plus qu'ils aient bien choisi. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Bah d'accord. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? C'est-à-dire que je voulais une PS4 et ils m'ont acheté une Switch. Ah, c'est moins cher. C'est moins cher, Léo. T'aurais pu avoir une orange. Ouais. Comme à l'époque des vieux. Mon pote, là je pense quand même, tu vois, la Switch c'est quand même vache, c'est un bon cadeau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, y a pas de jeu avec. Mais oui, mais ça tu pourras. Mais oui. Peut-être que tes grands-parents vont te les acheter pour Noël. C'est ta tante qui va t'offrir le nouveau Pokémon, là, c'est sorti il y a pas longtemps. Let's go Pikachu, tout ça. Yes. Mais ouais, écoute. Est-ce que là pour l'instant, tes parents ils pensent que tu connais pas les cadeaux? Non, bah oui. Eh ben mon pote, fais comme si de rien n'était, ça sera mieux pour tes parents, ils seront contents. Ok. Mais on t'embrasse, on te fait plein de gros bisous et on va t'envoyer un petit cadeau sur les quoi, Nathan. J'avais une dernière question pour toi, Léo. Tu croyais au Père Noël avant d'avoir vu les cadeaux en dessous ou pas du tout? Eh ben non, quand même pas. D'accord. Non mais je demande, au cas où, c'est possible. Hein. Allez, salut Léo. En tout cas, merci d'être passé sur Studek Web. Tu reviens quand tu veux, on t'envoie un petit cadeau à la maison. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain. Biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'être aussi réactif. Là, Nathan ne sait plus où donner de la tête. Ah bah là, clairement, j'en peux plus là. Le standard a explosé. Et là, arrêtez de m'appeler. Et aujourd'hui, c'est Louis qui joue avec nous. C'est Franck qui joue avec nous, pardon. Salut Franck. Allô Franck. Allô Franck. Franck n'est pas là. Franck est resté chez lui. Franck aussi Franck, a une connexion pourrie. Allô. Ah, ouais, il est là. Il est là. J'ai eu peur. Ça va, t'es prêt à jouer au booster, mec? Bah oui, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton téléphone? Ah bah, je sais pas du tout. Tu t'es endormi? Non, je parlais avec vous, mais vous m'entendiez pas, je crois. C'est pas grave. Je te rappelle le thème du jour. Alors, c'est Noël aujourd'hui, mon pote. Ok. Tu vas voir, c'est assez facile. Tu dois nous poser plein de questions en rapport avec ce thème-là. Ok. Tu dois pas nous donner de réponses, car au bout de 3 mauvaises réponses, tu perds. Donc, essaye de nous en donner. Mais il faut que tu sois sûr de toi. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Allez, concentration, c'est parti. Allez. Vas-y, propose, on t'écoute. Est-ce que c'est à mettre sur le sapin? Non. Non. Est-ce que c'est une date? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on offre? Non, pas du tout. On l'offre pas, non. Est-ce que c'est un repas? Non. Attention, mon pote, le temps s'accélère. Je sais pas. Vas-y, propose au hasard, c'est pas grave. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte? Oui, on peut le porter. Tu peux le porter, mais pour le déplacer. J'en ai aucune idée. Putain. Allez, vite. Je sais pas du tout. Le temps s'accélère, propose. Est-ce que c'est un vêtement? C'est pas un vêtement. Mais tu peux le porter pour le déplacer. Je peux le porter pour une table? Non, rapport avec Noël. En rapport avec Noël, qu'est-ce que tu appelles? Rapport avec Noël, vite, quelque chose qui représente Noël, qui le symbolise. Un sapin. Oui, c'est un sapin. Bravo, Franck, tu viens de gagner ton pack Studek Web. C'est la police, c'est génial. J'ai tellement chaud. Merci. Bravo mon pote, c'est énorme ce qui vient de se passer. Tu viens de gagner ton cadeau, mec. Je te jure, il y a 2 secondes, tu gagnais pas. Mais j'ai vraiment eu peur pour le coup. Mais en plus, la première question que t'as posée, c'est est-ce que proche. Ça se met sur un sapin? Et nous, on était là. Non. Ah ouais, mais donc du coup, moi j'avais enlevé l'idée du sapin comme j'avais cru. C'est pas grave. T'as commandé quoi pour Noël, mon pote? Pour Noël, moi j'ai commandé de l'amour. C'est magnifique quand t'as pas d'argent. Mais l'amour est gratuit sur Tinder. Mais mec, c'est beaucoup trop beau ce que tu racontes. Non, sérieux. Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je travaille en assurance. D'accord. Oh. Donc t'as du boulot en ce moment. Tu sais quoi, mec, je t'offre Tinder Premium rien que pour toi parce que tu m'as dit ça. J'ai trouvé ça vachement sympa. Trop bien. Ça me fait plaisir. Je suis comme ça. On est comme ça chez Studek Web. On offre du bonheur. On offre de l'amour. Trop bien. Et bah, ouais, t'es actionnaire. Vous en distribuez déjà assez dans le coup de boost tous les jours. Ça fait plaisir. En tout cas, tu reviens quand tu veux. D'accord. Tu nous rappelles. Trop tu nous envoies ton message sur Facebook, Twitter, Insta. Tu n'hésites pas et tu nous rappelles quand tu veux. Allez, à bientôt, merci mon pote. Beaucoup. Ciao. Salut Franck. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Il est bientôt 15h, on se retrouve demain les amis. Mais avant ça, eh bien, je vous laisse avec Corentin de l'équipe Borderline. Eh bah salut tout le monde, j'ai un problème de micro, regarde. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah mais il a toujours un problème de rien. Et grosse émission ce soir parce qu'on reçoit le pape François. Le pape François, carrément. Très bien. Grosse émission, pape François. Et vous recevez Fred Denet aussi dans exactement, Fred Fun Radio, c'est ça. Mec, si je te dis qu'aujourd'hui c'est la journée des ninjas, qu'est-ce que ça t'évoque? Les tortues ninjas, bien sûr. Tu regardais quand t'étais petit? Ouais. Tu kiffais? J'ai kiffé. Donatello. On en a parlé durant toute l'émission, là, durant une heure, juste une petite question comme ça, on l'a posée à tout le monde. Ouais. Noël, ça représente quoi pour toi? Quel est le cadeau que t'as demandé? Pas vraiment de cadeau, mais pour moi, Noël, c'est la famille. C'est retour en famille. Et sur la liste, j'aurais peut-être une petite télé, tu vois. Qu'est-ce que tu vas offrir à ta meuf? Carrément, tu vas offrir à ta meuf? Des bijoux, un parfum. Et là, je suis sur un projet. Mais t'es un mytho. Je suis sur un projet de spa en ce moment. T'es sur un projet de spa. Mais le mec a des ambitions, le mec, il rigole pas, quoi. On est comme Fred Fun Radio, on parlera de ses ambitions aussi tout à l'heure. Ah bah écoute, on a hâte en tout cas, Fred Fun Radio, que vous allez interviewer, c'est ça, dans votre émission. C'est ça, ouais. D'ici quelques instants. Et bien en tout cas, les gars, on vous souhaite une très très bonne émission. Profitez bien, kiffez. Et bah c'est cool, merci. Et nous, on vous retrouve demain avec toute l'équipe, Nathan, Mathias, tout le monde. Bonjour. On va parler de quoi demain, les gars? Demain, on va parler de beaucoup de choses. Des blessures, il me semble. Et bah nickel, on se retrouve demain, à demain. Ciao. Alors, qui dit études dit travail, qui dit